on a 5 nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on a dit au revoir à 5 autres. Voici Palmerest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. T'es en train de lire une immense brique, puis la façon dont tu t'attriques fait travailler mes préjugés. T'as l'air d'une fashion victime, ça fait que moi je me dis que t'aimes. Toi, le poton bouché, il sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans le tombes. M'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine plein de belles affaires. Pour la plaie, tu exagères. Te distrait. Ton image prospère, ton image prospère. Tout ton éclair. Shit. Du 9 au 15 novembre 2015. On a débuté tout ça avec les connards à l'orange pendant quand même 9 semaines avec l'autobus. Ben, Colin! C'est resté 9 semaines, c'est beaucoup. C'est pas pire, ça. Ouais. Ouais. Rose Fargo. Elle est restée moins longtemps, elle. Hein? Pas eu une petite bêche, je pense. La pièce tombe avec 4 semaines. Arthur Comeau, qu'on a entendu beaucoup, beaucoup tourner avec son cartoon de cigarette. Ben, c'est parce qu'on l'a fait jouer deux fois, mais la tune dure comme 8 minutes. Genre, ouais, c'est ça. Ça avait l'air long. C'est plus ça. Ça, en tout cas, hein, c'était pas notre pièce favorite. Pas tout à fait. Bon, Arthur Comeau pendant 8 semaines avec Pour pêcher. Matrix s'est fait kicker out de sa chaîne, de son canal sur Merck. Sur la MIRC, dans le temps, on se faisait kicker out. Là. Ah oui. Four Kicks de Magic. Et pendant 7 semaines, eh bien, on a entendu The Deers avec I used to pray for the heavens to fall. Puis ils ont fini par tomber. Puis ils ont fini par tomber. C'est drôle comment chacune des pièces, tu sais, t'avais ton, t'avais Four Kicks, t'avais heavens to fall. Finalement, il y a comme une thématique ici là, de pas réussir dans la vie. Non, mais quand même, tout le monde a duré 9, 8, 7 semaines, sauf Rose Fargo qui a duré seulement 4. Pas fort, ça. Seulement 4 semaines. Pas fier de vous autres. Et peut-être que c'est nous qui l'avons pas assez fait tourner. Mais peut-être que c'est eux qui ont pas fait de ces bonnes chansons. Peut-être que c'est... Ouais, bon, c'est ça, exactement. Les affaires qu'on fait pas jouer, c'est parce qu'on aime pas nécessairement ça. Ou encore qu'on aime moins ça que d'autres affaires qu'on aime plus, parce qu'on encourage les affaires qu'on aime le plus. Ben oui. On étant les animateurs de C'est fou, pas juste nous deux. Ouais, parce que... Ben, ça ouais. Ça veut pas dire la même chose. Il y a d'autres animateurs. Non, c'est ça. C'est pas en termes d'importance, c'est en termes de nombre. Ah ouais? C'est pas... si on réfère à plusieurs choses dans la vie. La liste des animateurs de C'est fou n'est pas classée par ordre de qui est le plus important, commençant par toi. Hein? Hey, j'ai jamais dit ça, là, quand même. Okay. Là, j'ai pas si gros égo que ça. Je te mets des mots. Je sais qu'il est gros, mais pas tant que ça.